Minette et la chatonne solitaire, écrit et narré par Mia, alias Mia QC. Quand Minette trouve la chatonne solitaire tremblante dans une poubelle, elle l'adopte pour prendre soin d'elle.